franceinter.com. D'aucuns l'ont appelée la Babel tropicale. Un curieux petit pays métissé où l'on croise des créoles, des indiens, des amérindiens, des javanais, des chinois et des européens. Et où, malgré le fait que la langue officielle soit le néerlandais, on parle au moins 15 dialectes. Je veux parler du Suriname, l'ancienne Guyane hollandaise, un état situé au nord du Brésil, coincé entre le Guyana et notre Guyane française. Mais pourquoi évoquer aujourd'hui avec M. X ce pays lointain dont la plupart d'entre nous ignorent l'histoire et même la localisation exacte? D'abord parce qu'à lui seul, le Suriname concentre un certain nombre des dangers qui pèsent sur notre planète. Une déforestation démesurée, une exploitation irraisonnée des richesses naturelles et la pollution qui en découle. Une misère permanente, une violence endémique, une situation politique chaotique, une corruption latente, un trafic de drogue en expansion et, coiffant toutes ces difficultés et les expliquant en partie, la fièvre de l'or. Il faut ajouter que le voisinage du Suriname avec la Guyane française ne laisse pas d'inquiéter, car le Suriname exporte aussi ses propres maux sur l'autre rive du fleuve Maroni, là où se trouve la précieuse base européenne de lancement de fusées de Kourou. Autant dire l'importance stratégique du Suriname, dont pourtant les médias parlent rarement. M. X propose donc de donner un coup de projecteur sur cette région méconnue et d'analyser les menaces qu'elle représente. J'ai l'impression d'être ridicule dans leurs souliers, dans leurs smoking, dans leurs plastrons, dans leurs faux cols, dans leurs monocles, dans leurs melons. J'ai l'impression d'être ridicule avec mes orteils qui ne sont pas faits pour transpirer du matin jusqu'au soir. Qui déshabillent avec leur maillotage, qui m'affaiblit les membres et enlève à mon corps sa beauté de casse-sexe. J'ai l'impression d'être ridicule avec les théories qu'ils assaisonnent au goût de leurs besoins, de leurs passions, de leurs instincts ouverts la nuit en forme de paillasson. J'ai l'impression d'être ridicule parmi eux complices, parmi eux souteneurs, parmi eux égorgeurs, les mains effroyablement rouge du sang de leur civilisation. C'est une longue, immense frontière, plus de 500 kilomètres. Une frontière liquide, puisqu'elle est formée par le fleuve Maroni et l'un de ses affluents. Ouais, la frontière entre le Suriname et la Guyane française. Oui, et il n'y a naturellement pas de frontière plus poreuse, car il suffit de franchir le fleuve avec une quelconque embarcation pour passer d'un pays à l'autre. Ouais, ça permet tous les trafics, ça. Et les migrations clandestines de populations au gré des guerres civiles et des conflits engendrés par le mal qui ronge la région, c'est-à-dire l'orpaillage. Ouais, l'exploitation de l'or. Une exploitation essentiellement clandestine, mais que ne dédaignent pas quelques grandes compagnies internationales qui voudraient bien avoir leur part du magot. au mépris de la protection de l'environnement et de la santé des habitants. Et nous verrons cela plus précisément. Auparavant, intéressons-nous d'abord au Suriname, qui est une sorte d'abcès de fixation des maux qui menacent cette région du monde. Le Suriname, c'est donc au début la Guyane hollandaise. Hein. Ainsi, effectivement, qu'on l'a longtemps nommé. Oui. Alors, un tout petit peu d'histoire, peut-être. Comme vous voulez. Les premiers habitants connus des Guyanes sont des Amérindiens, des Arawaks et des Caraïbes, des chasseurs et des pêcheurs qui nomadisent de part et d'autre de l'embouchure du Maroni. Au XVIe siècle, des Européens y établissent des colonies, essentiellement des Hollandais et des Anglais. Bah, et les Français alors? Ils s'implantent de l'autre côté du Maroni, dans la zone de Cayenne. L'emplacement du futur bagne. Hein. On parle alors de la France équinoxiale. Mais à la différence des autres Européens, nos compatriotes n'exploitent pas ou peu les richesses naturelles de l'intérieur du pays. Parenthèse intéressante, dans le futur Suriname, ce sont les Hollandais qui prennent le pas sur les Anglais. Et ceux-ci, en compensation, se voient attribuer la Nouvelle-Hollande, c'est-à-dire la future New York. Ils n'ont pas vraiment perdu au change, non ? En tout cas, les colons hollandais se mettent en devoir de mettre en valeur les terres qu'ils occupent et de créer des plantations de café et de canne à sucre. Mais ils ont besoin de main-d'œuvre. Ils vont aller chercher en Afrique, j'imagine. Et c'est le commencement de la traite négrière, oui. Et quand au milieu du 19e siècle, les Hollandais aboliront l'esclavage, ils feront venir des travailleurs des Indes et de leurs colonies indonésiennes. Et ça explique l'extrême diversité ethnique de la population du Suriname. Un mot encore à propos de cette lointaine histoire. Tout au long de l'existence de la colonie, on a assisté à de nombreuses révoltes d'esclaves. Et les Noirs, qui ont réussi à échapper aux joues de leur maître, se sont installés dans les forêts de l'intérieur. Les nègres marrons. Oui, l'expression marronné qui provient d'un mot espagnol signifie s'enfuir. Et aujourd'hui encore, ce qu'on appelle là-bas les Puchinengue ou Bosch Negros, c'est-à-dire les Noirs de la forêt, forment d'importantes communautés réparties en plusieurs tribus et jouent un grand rôle dans l'industrie de leur paillage et le commerce de l'or. Ce phénomène du marronnage a existé aussi dans les colonies françaises des Antilles et de la Guyane. Hein. Bien entendu. Vers 1920, les autorités hollandaises décrètent que le Suriname est partie intégrante du territoire des Pays-Bas. Mais tout va changer avec le mouvement de décolonisation qui s'esquisse à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dès 1954, le Suriname bénéficie d'un statut d'autonomie. On prépare l'indépendance. Oui, mais celle-ci ne deviendra effective qu'en 1975. Le territoire est alors doté d'une constitution de type parlementaire et le gouvernement de La Haye décide la mise en place d'un programme d'aide économique d'une durée de 10 ans. Et dans quel climat intervient l'indépendance ? Des dizaines de milliers de Surinamiens n'acceptent pas et émigrent vers les Pays-Bas. Un mouvement qui ne fera que s'accentuer. Il y a aujourd'hui presque autant d'habitants originaires du Suriname en Hollande qu'au Suriname même. Mais ça s'explique surtout par les événements politiques qui vont troubler l'ancienne colonie et pousser nombre de Surinamiens à fuir vers l'Europe ou la Guyane française. Oui, la Guyane qui est devenue un département français très tôt. Hein. En 1946, oui. Et qui vient de voter récemment. Là. Alors, ces troubles politiques Ils naissent dès les premières années de l'indépendance. Pourquoi ? Ils sont essentiellement dus à la situation économique. Il y a d'abord la dépendance financière vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. En outre, les principales ressources du pays, surtout l'exploitation de la bauxite, sont aux mains d'intérêts étrangers. Il en résulte de nombreuses inégalités sociales. Ouais, c'est le système colonial qui perdure. Il ne faut pas négliger non plus les différences ethniques qui opposent les diverses communautés du pays, chacune d'entre elles créant son parti. Et cette mosaïque ethnique là, ne va guère contribuer à forger une unité nationale. C'est vrai. Les créoles, c'est-à-dire les descendants d'esclaves, estiment être les habitants authentiques du pays, tandis que les Noirs marrons affirment le contraire. Et pourtant, attendez, ces deux communautés sont issues du système esclavagiste. Oui, et les Hindoustanis, les plus nombreux, plus de 35% de la population, entendent eux aussi être représentés à hauteur de leur importance démographique. Enfin, pour être tout à fait exact, il faut dire que la détérioration de la situation politique et économique a précédé l'indépendance. Et que l'émigration massive vers la métropole a commencé bien avant 1975. En 1973, par exemple, une grève générale a paralysé le territoire. Et c'est autant pour ne pas avoir à gérer cette crise que pour essayer de juguler l'immigration aux Pays-Bas que La Haye a accordé son indépendance au Suriname. Oui, si je comprends bien, un peu pour s'en débarrasser. Mais sans porter atteinte aux intérêts économiques des anciens colons. Bien sûr. Et politiquement, alors, quelle est la couleur des dirigeants du pays quand vient l'indépendance, là ? Ce sont des modérés. Mais le pays ne peut échapper à l'influence des idées progressistes et même révolutionnaires qui gagnent de nombreux pays de la zone Caraïbe. La Grenade, la Jamaïque et le Nicaragua. Et puis, Cuba n'est pas très loin. Hein. Quoi qu'il en soit, il ne faut guère attendre longtemps pour assister à un premier coup d'État. Alors quand ? De 1980. Et ce sont bien sûr des militaires qui s'emparent du pouvoir tout en feignant de laisser les civils gouverner. La fiction, quoi. Oui, en réalité, c'est un lieutenant-colonel qui est aux commandes et va diriger le pays d'une main de fer. Mmh. Qui ? Un nommé Desi Bouters. Un militaire qui a commencé par créer un syndicat de sous-officiers. Et un homme qui est donc rapidement monté en grade. C'est exact. Il est très rapidement promu dès qu'il prend le pouvoir. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et ce Bouters, c'est un programme ? Il se prétend d'abord révolutionnaire. Mais il met rapidement de l'eau dans son vin car il comprend que les Pays-Bas risquent de supprimer leur aide économique. Toutefois, ce n'est pas la seule raison. En fait, ce qui fait très peur à Bouters, c'est Washington. Ronald Reagan est désormais installé à la Maison-Blanche et il est déterminé à user de la politique du bâton dans tous les pays d'Amérique qui seraient tentés d'imiter Cuba. Et il le prouvera bientôt en intervenant militairement à la Grenade. Mmh. Et Bouters se méfie. Peut-être même a-t-il eu vent des projets de la CIA qui envisage de former des opposants surinamiens et des mercenaires susceptibles de renverser par la force le pouvoir en place à Paramaribo. Mmh, la capitale du Suriname. Mmh. Et la menace était sérieuse ? Oui, on a appris beaucoup plus tard. Les Américains avaient commencé à entraîner en Floride des commandos. Ils avaient aussi infiltré un syndicat conservateur qui s'opposait fermement à Bouters. C'est même allé si loin que l'homme fort du Suriname a fini par expulser deux diplomates états-uniens en janvier 1983. Mais toutes ces manœuvres n'ont pas donné lieu à une véritable opération militaire. Non, parce que les préparatifs de l'action prévue par la CIA ont fini par transpirer et alerter des membres du Congrès. Et le patron de l'agence a dû aller s'expliquer et reconnaître que Reagan entendait réellement renverser Bouters, accusé d'entraîner son pays dans l'orbite cubaine. Et l'affaire en est restée là. Oui, le Congrès a mis son veto car le directeur de la CIA n'a pu lui apporter la preuve des agissements de Cuba au Suriname. Et Reagan a dû s'incliner. Mais si je comprends bien là, le colonel Bouters avait pris ses précautions en renonçant de lui-même à ses options révolutionnaires. On n'est jamais trop prudent. Et puis j'ai du mal à croire que ce Bouters, qui va jouer un rôle si néfaste dans son pays, ait jamais été un authentique révolutionnaire. William Bloom a publié en 2004 un ouvrage « Les guerres scélérates », recensant quelques-uns des mauvais coups de la CIA. Il écrit ceci à propos du Suriname. « Les forces d'invasion auraient regroupé quelques 300 hommes, la moitié étant des Américains du Nord et du Sud, les autres des Surinamiens prêts à décoller de Floride à destination de Paramaribo, la capitale du Suriname située à la pointe nord de l'Amérique du Sud. Un groupe de Surinamiens exilés aux Pays-Bas devait les rejoindre sur place. C'est en infiltrant ce groupe que la police hollandaise avait découvert le complot. Reprenant une pratique désormais courante dans le cas des cibles des États-Unis en Amérique du Sud, la presse internationale diffusa des rumeurs quant à la présence de nombreux soldats cubains au Suriname. Évidemment, ces soldats, tout comme leurs homologues fictifs en Jamaïque et à la Grenade, demeurèrent introuvables. Au printemps 1983, le Suriname signa des accords avec le gouvernement de droite de son voisin brésilien qui lui accorda une assistance économique et militaire, notamment la formation de son armée. On aurait pu en déduire, suivant le raisonnement de l'administration Reagan, que le Suriname venait d'entrer dans l'orbite brésilienne. La vérité était plus banale. Le Suriname, comme tant d'autres pays en développement, n'avait d'autre choix que d'accepter l'aide qu'on lui proposait. En réalité, le Brésil, qui déclara officiellement vouloir sauver le Suriname de Cuba, avait agi sur l'incitation des États-Unis. Cette précaution fut peut-être inutile car en octobre 1983, Buter expulsa presque tout le personnel de l'ambassade cubaine, y compris l'ambassadeur. Le livre de Blum a été publié par les éditions Parangon. La menace américaine n'était pas la seule que Daisy Bouters devait affronter au début des années 80. Le désordre de son gouvernement, son propre manque d'expérience, son autoritarisme aussi, lui ont valu d'être mis en cause par ses propres frères d'armes. Et en mars 1982, il doit réprimer une tentative de coup d'État. Et il sévit avec une grande brutalité contre les comploteurs. Et 9 mois plus tard, il décide d'en finir avec ses principaux opposants. En décembre, il fait donc arrêter des journalistes, des avocats, des syndicalistes, des universitaires, une quinzaine de personnes au total. Des gens qui auraient été mêlés à la tentative de coup d'État ? En tout cas, c'est ce que Buters prétendra ensuite. Tous ces personnages sont conduits dans un centre militaire de Paramaribo. Et là, ils sont froidement exécutés après avoir, pour certains, été frappés et même torturés. Le soir même, le colonel Buters apparaît à la télévision et déclare que ses 15 opposants, tous convaincus d'avoir comploté, ont été abattus au cours d'une tentative d'évasion. Grossier mensonge. Il ne fait guère illusion, même si, bien sûr, Buters et ses comparses nieront toujours les faits. En tout cas, ce massacre de décembre 1982 a une conséquence immédiate et désastreuse pour le Suriname. Les Pays-Bas, aussitôt informés, décident de suspendre leur aide. Et ça plonge l'économie surinamienne, qui n'était déjà guère florissante, dans un vrai marasme. Malgré tout, est-ce que Buters parvient à rester au pouvoir ? Oui, mais il ne se débarrassera jamais de la terrible accusation qui pèse contre lui. On le verra un peu plus tard. Ce massacre a-t-il dissuadé, en tout cas, ses opposants ? Pas très longtemps, car le mécontentement de la population s'accroît. À cause des difficultés économiques ? Bien évidemment. Et l'aide que le petit Suriname reçoit des pays progressistes de la région ne parvient pas à combler le trou laissé par la cessation des subventions hollandaises. Aussi, pour calmer l'opposition, Buters décide-t-il d'annoncer un retour vers la démocratie. Mais son geste n'est pas très convaincant, et cette première moitié des années 80 est surtout marquée par une instabilité politique chronique. Parenthèse, la France, qui est alors dirigée par François Mitterrand, ne doit pas manquer de suivre de très près l'évolution du Suriname, voisin de la Guyane. Bien entendu. Mais Paris, qui pense surtout à protéger les installations spatiales de Kourou, se garde bien d'intervenir dans les affaires du Suriname. Même s'il viendra forcément un moment où la France, malgré elle, aura à subir les conséquences des événements dramatiques qui vont bientôt survenir. Des événements dramatiques, de quoi voulez-vous parler là ? De l'éclosion en 1986 d'une véritable rébellion qui va se transformer en une atroce guerre civile et qui va durer 3 longues années. Et comment est-ce que ça a commencé alors ? En juillet, un commando de Bosch Negro attaque un poste militaire sur le Maroni, prend en otage les soldats de la petite garnison et s'enfuit avec ses prisonniers. L'homme qui se trouve derrière cette action spectaculaire et inédite a déjà fait parler de lui depuis quelques mois. C'est un sergent commando de l'armée surinamienne, un nommé Ronnie Brunswick. Et pourquoi a-t-il déjà fait parler de lui alors ? Ce jeune militaire est entré en conflit avec sa hiérarchie parce qu'il estime que sa carrière stagne et que son origine ethnique en est la cause. Lui réclame l'égalité ethnique et il vise surtout les créoles comme Buters, En tout cas, cette rébellion, plus ou moins ouverte, lui vaut d'être renvoyé de l'armée sous prétexte d'un vol qu'il aurait commis. Vrai ? Franchement, je n'en sais rien. Mais Brunswick n'est pas décidé à pardonner cet affront. Et dès ce moment, en compagnie de quelques membres de sa communauté, il se lance dans des actions de rapine en attaquant des convois de ravitaillement. Autant de vivres qu'il redistribue aux villageois nécessiteux. Ah, il y a du Robin des Bois chez ce personnage. Exactement. Et sa renommée devient telle que les opposants surinamiens exilés aux Pays-Bas font rapidement grand cas de ce généreux bandit de grand chemin. Et ce Brunswick là va se sentir naître une vocation politique. C'est cela, oui. Et il décide que ses frères Bush, Negroes, constitueront le fer de lance du mouvement en faveur du rétablissement de la démocratie au Suriname. L'action de commando de juillet 1986 est en quelque sorte l'acte de naissance de cette rébellion. D'ailleurs, le mouvement va bientôt se baptiser lui-même Jungle Commando. Ouais, le commando de la forêt vierge, en somme. Et quels moyens dispose cette organisation et combien d'hommes regroupe-t-elle ? Assez rapidement, Jungle Commando va être en mesure d'aligner 300 hommes, dont quelques-uns bénéficient déjà d'une solide formation militaire. C'est à la fois peu et beaucoup. N'oubliez pas que le Suriname est un petit pays et que ses forces armées sont très peu nombreuses. Mais Brunswick va aussi faire appel à une poignée de mercenaires pour former et entraîner ses hommes. Mais quelles actions alors entendent-ils mener maintenant ? Ces hommes de la forêt n'engagent pas de combats frontaux contre l'armée, non. Ils conduisent des opérations de guérilla et de harcèlement et s'attaquent en priorité aux camps ou dépôts militaires où ils peuvent s'équiper à bon compte. Et en même temps, ils prennent donc des otages. Et il est intéressant de noter que certains de ces otages n'hésiteront pas à rejoindre les rangs de la rébellion, tel ce commandant qui, après sa capture, deviendra l'instructeur des troupes de Brunswick. Ça veut donc dire ça que son action est relativement populaire. Incontestablement. Et Jungle Commando élargit le champ de ses activités et commence à s'en prendre à des objectifs économiques, des plantations, des petites usines de transformation et bientôt le principal centre d'extraction de bauxite. Et cette dernière attaque détermine enfin le pouvoir à réagir. Et il va le faire avec une extrême brutalité. Des villages marrons sont détruits et leurs habitants sont tués sur place ou, s'ils réussissent à fuir, sont mitraillés par l'aviation. Et sur le terrain, alors, comment les choses évoluent ? Il est certain que les forces sont disproportionnées et que Jungle Commando ne peut conduire que des actions ponctuelles qui d'ailleurs s'apparentent au banditisme. Mais il faut bien vivre, n'est-ce pas ? Ça veut dire en tout cas que le conflit s'enlise. Et la France, là, de l'autre côté du fleuve, demeure toujours attentive ? Oui, mais ça devient de plus en plus difficile, car la guérilla contrôle la zone du fleuve Maroni. Et donc la frontière. Et ça conduit les autorités françaises à faire preuve d'une certaine complaisance et à fermer les yeux sur les divers trafics qui empruntent la voie fluviale. Mais il y a aussi la question toujours plus cruciale des réfugiés. Tous ces milliers de villageois qui traversent le Maroni et qu'il faut bien accueillir. Ce qui provoque la fureur du gouvernement de Paramaribo, qui accuse la France de soutenir les rebelles. Il s'ajoute à cet embarras le fait, plus ou moins vérifié, que la Libye viendrait en aide au pouvoir du colonel Bouters. Or, au même moment, nos troupes sont engagées au Tchad contre l'armée de Kadhafi. Ça permet de nourrir tous les fantasmes. Et les stratèges les plus imaginatifs envisagent déjà une attaque libyenne contre la base de Kourou. Autant d'éléments qui vont peu à peu obliger Paris à intervenir. D'autant que la coexistence entre les Amérindiens guyanais et les réfugiés marrons devient de plus en plus délicate, ce qui, à terme, risquerait de déstabiliser la Guyane. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Un témoignage sur les exactions de l'armée surinamienne lors de sa répression de la rébellion de Jungle Commando. Je l'ai trouvé dans un livre que m'a envoyé un auditeur, ouvrage de Richard et Sally Price, « Les Marrons », paru aux éditions Vendailleurs, citation extraite de la déposition d'un observateur, Kenneth Baby. Le moment décisif arriva en novembre et décembre 1986, quand une campagne militaire dans l'est du Suriname aboutit à 150 morts civils. Dans des villages Nyuka du Kotika, des marrons non armés, y compris des femmes enceintes et des enfants, furent rassemblés et massacrés. En l'espace de quelques semaines, plus de 10 000 réfugiés marrons arrivèrent en Guyane. Les témoins décrivaient des scènes horribles, villageois mis en ligne pour être mitraillés et implorant désespérément les soldats de les épargner. J'étais présent quand les premiers réfugiés commencèrent à arriver à Saint-Laurent et j'ai parlé à plusieurs témoins quelques jours à peine après les massacres. Parmi toutes les atrocités qu'ils ont racontées, celle dont la brutalité m'a le plus impressionné s'est passée dans le village de Moïvana, près d'Albina. Un soldat a arraché un bébé des bras de sa mère, mis le canon de son fusil dans la bouche de l'enfant et a appuyé sur la détente. Bien entendu, il n'est pas question que la France s'engage militairement au Suriname. Mais elle peut s'entremettre et favoriser une médiation entre les rebelles et le pouvoir surinamien. Et ça va être le cas. Oui. Mais auparavant, il faut bien dire que de chaque côté, on est à bout de souffle. La population du Suriname souffre de graves pénuries alimentaires. On manifeste massivement dans les rues de la capitale et Bouterse se résout à organiser des élections fin 1987. Ça signifie un retour vers la démocratie ? En apparence. Car malgré ces élections qui se traduisent par un succès des civils, c'est toujours Bouterse qui mène le jeu. Mais il doit peu à peu mettre les pouces et accepter la médiation française. En juillet 89, les deux parties se retrouvent à Kourou. Et vaille que vaille, ils sont bien obligés de conclure un accord. C'est la paix ? Oh, une paix encore fragile. Mais les armes se taisent progressivement. Et surtout, la France va commencer à mettre en œuvre le retour des réfugiés vers le Suriname. Mais ça ne se fera pas en un seul jour. On a l'impression là, que cette question des réfugiés était en fait le principal souci de Paris. Hein. Tout à fait, car la situation devenait de plus en plus tendue. Et tous ces réfugiés alors rentreront chez eux ? Non, quelques milliers préféreront rester en Guyane et deviendront par conséquent des clandestins. Et certains seront mêlés au trafic, or et drogue, qui sont les plaies de la région. Et au Suriname alors ? Malgré un nouveau putsch de Désir Bouterse en 1990, la situation revient peu à peu à la normale, même si l'économie reste précaire. En fait, il faudra attendre 1996 pour observer une légère amélioration. Parallèlement, en raison du retour à la démocratie, les relations avec l'ancien colonisateur se sont apaisées et l'aide financière a même repris. Il faut cependant noter que la rébellion du Brunswick et de son Jungle Commando naguère profitait aux Boches négros, c'est-à-dire les marrons. Expliquez alors. En 1992, le gouvernement du Suriname les a forcés à céder à l'État leurs droits coutumiers sur les terres qu'ils occupent en forêt. Et alors ça veut dire qu'ils se sont battus pour rien ? Malheureusement, oui. Et épuisés par ces 3 années de guerre civile, ils n'ont eu ni les moyens ni la volonté de reprendre la lutte. En tout cas, cette expropriation de fait a permis de vendre ces terres à des entreprises privées qui ont aussitôt exploité à outrance leurs ressources naturelles. Et c'est le drame de ce pays. Mais aussi celui de la Guyane, où l'orpaillage conduit à de véritables désastres écologiques et à la dévastation de la forêt. Toutefois, avant de voir ça de plus près, un mot sur Bouterse. Oui, a-t-il répondu enfin de ses crimes de décembre 1982? Il a toujours nié avoir participé à ce massacre, même s'il en a revendiqué la responsabilité politique. Cependant, régulièrement, le gouvernement du Suriname a annoncé sa volonté de faire la lumière sur ces événements dramatiques. Oui, mais Bouterse a-t-il réellement été inquiété à ce sujet? Actuellement, il fait l'objet d'un procès. Mais à ma connaissance, il est toujours en liberté et considéré par certains de ses concitoyens comme un véritable héros. Il envisage même aujourd'hui de se présenter à l'élection présidentielle qui doit avoir lieu cette année. Toutefois, c'est un autre pan de ses activités délictueuses qui lui a valu également d'avoir des ennuis avec la justice. Un autre pan, c'est quoi ça ? Son implication dans le trafic de drogue. Un trafic si important en Suriname qu'on a même évoqué un état narco. Une production de drogue locale ? Non. Le Suriname est une sorte de carrefour de la cocaïne en provenance des pays producteurs de l'Amérique du Sud. On a estimé, par exemple, que 60% de la cocaïne importée aux Pays-Bas provient du Suriname. Et Bouterse, alors, dans tout cela là. Bon, le dictateur a agi à la manière d'un chef de cartel, et c'est pour cette raison que les autorités judiciaires hollandaises se sont intéressées à lui. Et sur la base d'une solide enquête, Bouters a été condamné par contumace en Hollande à 16 ans de prison et à une colossale amende. Un mandat d'arrêt international a ensuite été émis contre lui, de telle sorte que l'ancien dictateur ne peut plus sortir de son pays sous peine d'être immédiatement appréhendé. Ce qui devrait quand même, en principe, limiter ses ambitions politiques. Ah, semble-t-il, ce n'est pas le cas. Mais il est aussi intéressant de noter que son meilleur ennemi, Ronny Brunsvik, a lui aussi été impliqué dans le trafic de drogue. Et un tribunal états-unien l'a condamné par contumace à 6 ans de prison. Il partage donc le sort de son ancien adversaire. Et ils évoquent peut-être le sujet quand ils se rencontrent dans les couloirs du Parlement. Car aussi curieux que cela apparaisse, ces deux hommes qui ont beaucoup de sang sur les mains ont été élus députés. Abandonnons le Suriname. Et ce fléau du trafic de drogue concerne aussi la Guyane. Dans une moindre mesure. Mais allez savoir ce qui se passe au fin fond des forêts. Et puis il y a le Maroni, cette frontière poreuse par où on convoie la drogue jusqu'à la mer. Mais la principale plaie de la Guyane, tout comme au Suriname, c'est l'orpaillage. Et bien sûr, d'abord l'orpaillage clandestin. A-t-on une idée du nombre de chercheurs d'or illégaux ? Il serait une quinzaine de milliers répartis sur 500 sites de prospection. Et puisqu'on en est aux chiffres, je peux vous en livrer d'autres qui sont effarants et qui proviennent directement de l'ONF, l'Office National des Forêts. Mmh. En 2005, c'est-à-dire hier, 1333 km de cours d'eau subissaient les conséquences néfastes de leur paillage. Oui, à cause du mercure utilisé pour agréger les particules d'or. C'est ça. Et on utilise aussi le cyanure, qui n'est pas moins toxique. Bien sûr, ouais. Résultat, 4671 km de fleuves et rivières sont touchés en aval par la pollution induite par ces techniques de prospection. Autre chiffre inquiétant, entre 2000 et 2005, le déboisement opéré par ces chercheurs d'or est passé de 4000 à près de 11 000 hectares. Et cette pollution a des conséquences terribles pour la population. Naturellement. Hein. Dans le Maroni, plus de 70% des enfants amérindiens sont contaminés par ces métaux qui provoquent maladies et malformations. À cause de l'alimentation ? Bien sûr. Les poissons, principale nourriture de ces populations, sont gravement contaminés. Et les Amérindiens ingurgitent donc quotidiennement ces poisons. Ajoutez à cela la violence suscitée par la convoitise de l'or et vous comprendrez que le paradis terrestre des Amérindiens n'est plus qu'un lointain souvenir. Les journalistes ou voyageurs qui se sont risqués dans ces régions où sévissent bandits et chercheurs d'or ont même évoqué un vrai Far West où prospère la prostitution et le trafic de drogue. Mais pourtant, les autorités de la Guyane et même le gouvernement français ont affiché à plusieurs reprises la volonté de mettre fin à cette situation. Je me souviens d'un récent voyage de Nicolas Sarkozy. Oui, où il a annoncé la fin d'un projet de mine d'or. Oui, un projet industriel et donc légal, si je puis dire. Mais c'était pourtant le même Nicolas Sarkozy, alors ministre des Finances, qui avait en 2004 signé un décret accordant une concession de mine d'or d'une durée de 25 ans. Enfin, toutefois, il faut reconnaître que l'exploitation légale sera moins polluante, car les industriels se sont engagés à ne plus utiliser de procédés toxiques pour les hommes et l'environnement. Encore faut-il leur faire confiance ? Et avoir les moyens de les surveiller, oui. Enfin, ça, c'est une autre affaire. Mais il est vrai que le principal danger vient de ces garimpeiros, comme on les appelle au Brésil, et qui sont prêts à tout pour récolter un peu d'or, y compris à user de leurs armes. Alors justement, moi je reviens à ma question là. Je crois aussi me rappeler que Nicolas Sarkozy, toujours lui, a aussi déclaré lors d'un déplacement en Guyane que l'armée et le GIGN allaient être engagés contre les orpailleurs clandestins. C'est parfaitement exact. Et la gendarmerie a mis en œuvre plusieurs plans pour lutter contre l'orpaillage illégal avec un objectif prioritaire, détruire le matériel de ces garimpeiros, du matériel qui vaut souvent très cher. Mais dès que les forces de l'ordre ont disparu, les chercheurs d'or se remettent au travail avec du matériel importé du Suriname. Ouais, de l'autre côté du fleuve. Hein. Puis il faut tenir compte de la difficulté extrême du terrain et de la dangerosité de ces clandestins. Il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, en tout cas, force est de reconnaître que malgré certaines opérations spectaculaires menées par la gendarmerie, en particulier l'établissement de barrages sur les cours d'eau, l'orpaillage illégal continue. Avec son lot de violence, d'exploitation de la misère des chercheurs d'or qui se trouvent sous la coupe de redoutables gangs de noirs marrons, de soi-disant protecteurs, qui n'hésitent pas à torturer et même à tuer ceux qui refusent leur service ou la vente de leur or. Mais à votre avis, existe-t-il une vraie volonté d'en finir avec ce fléau ? Peut-être. Cependant, il est parfois permis d'émettre des doutes. Que penser, par exemple, de cette fuite qui s'est produite au milieu des années 90 au BRGM, Bureau de Recherche Géologique et Minière ? Un organisme officiel, donc. Oui, le BRGM avait établi une carte très précise des sites guyanais riches en or. Or, cette carte a été malencontreusement rendue publique. Ah oui, mais c'est un outil formidable pour les chercheurs d'or, un clandestin ou autre. Hein. Bien entendu. Et vous pensez que cette fuite n'était peut-être pas innocente ? Pourquoi pas ? Derrière l'industrie minière se trouvent de puissants intérêts. Et puis, tenez, autre interrogation. Pourquoi, au moment même où Nicolas Sarkozy mettait fin à ce projet de mine d'or, on publie un schéma départemental d'orientation minier censé organiser la filière orifère, sous prétexte d'en finir avec l'exploitation anarchique? Mais n'était-ce pas aussi un encouragement donné aux prospecteurs? D'autant que ce texte a été élaboré sans vraiment tenir compte de l'avis des autorités coutumières. Un document pour finir, extrait du beau livre d'Olivier Weber, « J'aurai de l'or », paru chez Robert Laffont. Les tentatives pour sauver l'Amazonie et le relais par les pays de la région pour aider ces campagnes telles que l'interdiction de leur paillage clandestin ou de l'utilisation du mercure se heurtent à l'hypocrisie la plus totale des représentants de ces États dans le coin, qu'ils soient brésiliens, surinamais, français ou vénézuéliens. Pourquoi dénoncer les trafics alors que ces mêmes agents de l'État mettent tout en œuvre pour le prolonger, soit par laisser-faire ou aveuglement, soit par une participation active? Non seulement la situation de la forêt d'Amazonie ne s'améliore pas, mais elle empire, au point que l'on se demande si les mêmes États ne profitent pas de son saccage, car les profits engendrés par le transport sont souvent aussi importants que les revenus de leur paillage. Le bourg de Maripasoula, en Guyane française, avec son arrière-cour grande comme la Belgique, vit en grande partie du commerce de l'or. Nombre de notables ont une relation particulière avec le métal jaune. Le grand man, Joseph Joachim, le chef des Bonis, est lui-même orpailleur, tout en étant rétribué pourtant par l'État français pour ses activités de représentant coutumier. Lorsqu'un orpailleur est emprisonné, les gendarmes craignent l'émeute. On discute d'abord, dit l'un d'entre eux. On voit si on peut sévir ensuite, mais ici, il vaut mieux s'abstenir, on ne sait jamais. Je vous rappelle que sur franceinter.com, vous aurez la possibilité de réécouter cette émission à samedi prochain. Et comme d'habitude, merci à Michel Billou, Valérie Ayestaraï, Ilinka Negulesco, Rebecca de Nantes et Monsieur Djoub. Tout de suite après le flash, un peu de vert dans la radio, CO2 mon amour de Denis Chessou.